Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Merci de choisir la radio Sangani pour vous informer. Voici tout de suite les titres. Les consommateurs des produits de la Braroudi à Kayanza se lamentent qu'ils observent encore des commerçants spéculateurs. Ils donnent un exemple d'une bouteille de Primus dont le prix officiel est 2500, mais qui se vend à 5000 francs. Pour l'association burundaise des consommateurs, cela est dû à la maigre quantité des produits sur le marché. Vous entendrez les explications du secrétaire général et porte-parole de cette association. Dans l'entretemps, certains habitants de la mairie de Bujumbura doutent que la régulation des prix recommandée par le président de la République ne puisse pas être applicable à tous les produits. On parlera également de cette situation d'accès à l'électricité dont se réjouit la population de la zone Nyakabiga. Ils affirment qu'il n'y a plus beaucoup de coupures et estiment que c'est avantageux. Vous êtes avec Doré Bingabide. Alphonse Kugimana assure la mise en onde. Bienvenue. Les consommateurs des produits des boissons de la Braroudi à la colline Mugera de la commune Kabarole en province Kayanza déplorent la spéculation chez certains commerçants de ces produits. Ils disent par exemple qu'une bouteille de Primo 72 centilitres se vend à un prix variant entre 5 et 6 000 alors que le prix fixé par l'État est de 2500 francs. Ces consommateurs demandent qu'il y ait respect des prix officiels. Berkimansa Gouye, administrateur communal, affirme que la lutte contre les commerçants spéculateurs des boissons de la Braroudi continue, mais qu'il y a certains semi-grossistes qui ne respectent pas ces prix. Patrick Sengiyoum. Les consommateurs des boissons produites par la Braroudi avec lesquels nous nous sommes entretenus, quand nous les avons rencontrés au centre Mugera se trouvant à la colline Mugera en commune Kabarole de la province Kayanza, nous ont fait savoir que les commerçants de ces produits en cette localité ne respectaient pas les prix fixés par l'État. Ils donnent l'exemple d'une bouteille de Primus 72 centilitres qui se vend à un prix variant entre 4 et 6 000, au moment où celle d'Amstel 65 centilitres se vend à un prix variant entre 6 et 8 000. Les habitants de la colline Mugera en commune Kabarole demande que l'administration intervienne dans le respect des prix fixés par le gouvernement burundais sur les boissons produites par la Braroudi. Claver Nimbona, un des commerçants de ces produits à Mugera, ne nie pas les accusations selon lesquelles certains commerçants spéculent sur les boissons de la Braroudi en ne respectant pas les prix officiels et admet que cette pratique tend à cesser grâce à l'intervention de l'administration. Commerçants des boissons de la Braroudi à Mugera demande toutefois que cette commune soit approvisionnée en ces produits, expliquant que sa pénurie fait que les commerçants travaillent à perte. Au niveau de l'administration communale Kabarole, l'on indique que la lutte contre les commerçants spéculateurs des boissons fabriquées par la Braroudi continue. Berkimansa Nsaguye, administrateur communal Kabarole, déplore que parmi les spéculateurs, il y ait également des semi-grossistes de ces boissons de la Braroudi. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyu va pour la radio Sanganilo. Merci Patrick. Et l'association burundaise des consommateurs Abuko appelle le gouvernement de tout faire pour rendre disponibles sur le marché des marchandises en abondance pour lutter contre la flambée des prix. Selon le secrétaire général et porte-parole de l'Abuko, ça pourrait empêcher des spéculations des prix sur des produits de première nécessité, des spéculations dues à la quantité faible des produits. Noël Nkurunziza trouve encore que cela équilibrerait l'offre à la demande. Il le dit après les 15 jours que le chef de l'État avait accordé au ministère du Commerce pour réguler les prix des marchandises. On l'écoute. Nous sommes très ravis au niveau de la Boucau que les plus hautes autorités du pays voient la réalité sur le marché, qu'il y a effectivement des prix qui sont exagérés et qu'ils aient lancé un appel au ministère du Commerce pour qu'ils y gardent de près pour finalement fixer les prix qui sont réalistes. Mais nous pensons que la fixation de prix c'est une chose et c'est bon, mais aussi étudier la quantité de produits vendus sur le marché pour qu'il y ait l'équilibre entre l'offre et la demande. Il est vrai, il y a plusieurs raisons qui poussent finalement à ce que les prix soient comme ils sont. C'est en l'occurrence le carburant, mais c'est aussi les devises. Mais nous pensons que les denrées de première nécessité ne sont pas obligatoirement importées, sont produits localement. Le seul facteur de transport ne pourrait pas justifier le niveau de prix que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela que nous disons que il y a une faible production rendue sur le marché, une faible production disponible au pays. Et pour des mesures d'urgence, c'est que le gouvernement a plusieurs mesures qu'il puisse prendre pour faciliter ou pour équilibrer le marché. C'est notamment la facilitation de l'approvisionnement à certains commerçants qui puissent finalement amener la production sur le pays à partir de l'extérieur. Mais c'est aussi dans la coopération bilatérale, parce que c'est pas la première fois qu'on a vu que le pays puisse finalement collaborer avec d'autres pays pour qu'il y ait une production en ligne sur le marché qui viendrait peut-être casser la flambée des prix. Je prends l'exemple qu'on a vu en certainement le lit pakistanais. C'était pas parce que le pays ne pouvait pas en avoir, mais c'était pour compléter ce déséquilibre qui serait sur le marché. Et il faut finalement que le ministère du Commerce analyse de près pour que de telles mesures soient prises. Parlant des 15 jours que le chef de l'État avait accordé au ministère du Commerce pour réguler les prix des marchandises qui se sont achevés, certains habitants de la mairie de Bujumbura attendent impatiemment l'issue de cette recommandation du président. Ils reconnaissent que la mesure ne peut pas être applicable à tous les produits, mais qu'elle peut éviter certaines mésententes entre commerçants et acheteurs. Ils demandent d'être informés sur les décisions qui auront été prises. Nous saluons vivement cette mesure car il y a des fois où les commerçants exagèrent dans la fixation des prix jusqu'à ce que les consommateurs ne parviennent pas à acheter ce dont ils ont besoin. Nous reconnaissons que certains produits ne peuvent pas être régulés, comme par exemple ceux vendus par le petit peuple, notamment les amarantes et d'autres produits simples. Mais il y en a également des produits importés dont les prix doivent être bien connus. Néanmoins, il y en a d'autres dont les prix dépendent de leur disponibilité sur le marché. Pour cette dernière catégorie, si la production est suffisante, la réduction devient automatique. Vendons les feuilles de manioc à partir de 500 francs. S'il arrive que le prix augmente, ça va jusqu'à 700 francs seulement. Des fois, on les achète un peu cher ou on ne les trouve pas carrément sur le marché. Les prix devraient être revus pour faciliter la tâche à tout le monde. Diminuer les prix est une bonne initiative parce que les produits sont servis sans problème. Et surtout, chacun achète selon ses moyens. Ce n'est pas facile d'avoir des marchandises et les prix changent sans cesse. Si elles ont en quantité limitée, on s'en approvisionne à plus cher alors que nous devons tous gagner. Parce que je n'avais pas à avoir un bénéfice alors que j'ai acheté des marchandises chères qui n'auront pas de clients. Aujourd'hui, tu achètes le petit poisson à 2000 francs. Le lendemain, tu trouves qu'il s'achète à 5000. Le kilogramme de riz, qui était à 3000, se vend à 5000 francs. Notre production est d'ailleurs insuffisante car l'argent que tu avais réservé pour les fertilisants est utilisé directement pour la ration. Sincèrement, on serait content si les prix parvenaient à être stabilisés. Pouvoir acheter des tomates ou petits poissons à 2000 francs ou savoir le montant exact qui va t'aider à te rationner. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Télévision Isanganiro RTI et sur XCRT Isanganiro. Restant en mairie de Bujumbura, certains habitants qui exercent les activités nécessitant du courant électrique apprécient le niveau d'accès à l'électricité qui s'observe en ces jours-ci. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros affirment qu'ils pouvaient passer 3 jours sans électricité. Ils demandent que la distribution de l'électricité soit garantie pour que les activités nécessitant du courant puissent s'améliorer davantage. Plus de détails avec Stella Ndaichemie. Dans la zone Giza où nous avons pu passer, ceux qui exercent les activités nécessitant le courant électrique apprécient la situation actuelle en matière d'accès à l'électricité. Ils affirment que ces derniers jours, ils peuvent travailler convenablement. La situation est vraiment bonne en ce moment parce que quand nous comparons par rapport à avant, il y avait beaucoup de coupures d'électricité, on avait beaucoup de pannes. On pouvait passer 2 ou 3 jours sans avoir de l'électricité et cela pouvait causer un déséquilibre dans le travail que nous faisons parce que dans notre boulot, on a besoin de beaucoup d'électricité pour travailler. On a des frigos qui sont comme nos réservoirs, qui sont comme nos stocks, là où nous stockons nos produits, qui sont les poissons, qui sont les viandes, qui sont les poulets. Et donc, lorsque nous n'avons pas d'électricité, ça cause pour nous un déséquilibre et aussi un échec parce que nous ne pouvons plus investir l'argent que nous gagnons comme il se doit. Pour dire la vérité, en ce moment, il y a un changement et ce changement est appréciable parce que maintenant on a l'électricité. Avant, on pouvait passer 2-3 jours sans électricité. Ces habitants disent qu'il y a un avantage quand il n'y a pas de coupure d'électricité. C'est une bonne chose pour nous qui sommes dans ce travail parce que ça nous aide à mieux travailler, à mieux investir les revenus que nous avons dans d'autres choses par rapport au mazout parce que quand nous dépensons dans les mazouts, pour nous c'est une dépense qui ne revient pas. Tandis que lorsque nous investissons dans les poissons ou dans d'autres choses, ça nous permet nous aussi de gagner un peu plus. Et pour nous, quand il n'y a pas d'électricité, vraiment ça cause un déséquilibre dans notre travail. On ne peut pas avancer sans électricité. L'importance du courant électrique est que nous travaillons avec confiance. Sinon, on a toujours peur d'enregistrer des pertes. Alors qu'avec l'électricité, nous travaillons avec assurance. Il demande aux autorités habilitées de veiller à ce que la distribution de l'électricité demeure une garantie afin que les activités nécessitant du courant électrique ne soient plus paralysées. Stella Ndaishi Miye, du tourisme pour boucler cette édition. Eh bien, ce secteur n'est pas bien développé, favori et valorisé, pardon, dans différentes provinces, notamment en province Moulam. Le gouverneur de cette province, qui le dit, se base sur le manque de professionnalisme et d'informations sur les potentialités touristiques qui fait qu'il y ait peu de touristes qui visitent ces lieux. Ephrem Dikoumasabo trouve que ces défis sont à relever pour attirer les touristes et faire rentrer les devises. Toutefois, il indique que la province d'Omulambia a pris quelques initiatives comme envisager la rédaction d'un petit roman qui parle de leur histoire royale. On l'écoute. La province d'Omulambia est une province qui est particulière par rapport aux autres provinces. Mais en plus, c'est une province qui a été capitale royale de notre pays. Donc, il y a toute une histoire qui se trouve tout autour. Il y a les domaines royaux qui étaient dans la commune de Ukeye, Moravia, Kiganda, Mbouye. Alors, il y en a peu de touristes qui viennent pour explorer, pour voir. Le secteur du tourisme n'est pas vraiment développé. Il y a manque d'informations sur les potentialités touristiques. Il y a peu de communication sur les potentialités touristiques. Alors, les gens ne peuvent venir dans un endroit où ils ne connaissent pas ce qu'il y a. Donc, je pense que c'est vraiment un grand problème qui fait que nous n'ayons pas assez de touristes. Et là, on avait pensé, au niveau de la province, de faire un petit projet pour effectivement inciter les touristes à venir. Il s'agit d'un petit projet de faire une petite vidéo court-métrage où nous vous invitons vous-même de nous appuyer, qui montre la beauté, peu de temps, en 10 minutes ou 5 minutes, qui montre tous les liens touristiques, qui parlent des potentiels touristique que nous possédons, mais aussi nous avons eu le projet de rédiger un petit roman qui parle uniquement de l'histoire royale de notre province. Cela pourra aider à la jeunesse de toujours trouver la source où puiser toutes ces informations sur notre province. Et c'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Doré Bingabilege était à la présentation. Alphonse Kougueman a assuré la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Coalition Burundi Bwabo, c'est cassure, titre le journal Iwachu en une de sa parution cette semaine. En effet, pressenti pour faire pencher la balance et inquiéter le parti de l'aigle, convaincu de dominer sans partage, la coalition Burundi Bwabo vient de se fissurer, d'imploser, torpiller de l'intérieur pour le grand bonheur de ses détracteurs qui ont peut-être su exploiter la moindre faille, constate l'éditorialiste de cet hebdomadaire. Ce confrère rappelle que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt et que la coalition Burundi-Bwabose a décidé d'avancer sans Agathon Rwasa et ses inconditionnels, et que ces derniers ont annoncé que leur engagement à faire partie intégrante de cette coalition appartient désormais au passé. Deux questions légitimes que s'oppose l'éditorialiste du journal Iwachu. Est-ce que les prochaines élections seront libres, transparentes, apaisées, inclusives, crédibles? Est-ce que ces derniers développements n'écornent pas certains de ces critères essentiels ou normes garantissant des élections démocratiques? Selon Netpress, l'opposant historique appelle ses fidèles à voter pour la coalition Burundi-Bwabose. Il l'a dit à travers les ondes d'une radio allemande, indiquant que, malgré sa mise à l'écart par la commission électorale et la Cour constitutionnelle, ses projets et ses idées ne changeront pas et que les détails devaient être livrés au moment de la campagne. Ce quotidien en ligne rapporte également qu'il a tranquillisé ceux qui ont été retirés de la liste, affirmant qu'il y a beaucoup de choses à faire et que malgré tout, ils resteront tout près des activités politiques. Il n'a pas besoin de manifestations comme il l'a indiqué et demande la sérénité de ses fidèles. Note son confrère. Revue de la presse. Microfinance contre théiculteurs. À qui la faute? S'interroge Burundi Echo. En effet, explique ce journal, les théiculteurs qui vendent leurs feuilles de thé à l'usine d'Urguegura doivent faire face à la difficulté de rembourser les microfinances qui leur avaient accordé des prêts remboursables après la vente de leurs feuilles de thé. Comme l'a fait savoir Jérémy Rguigema, représentant de ces théiculteurs, auparavant, le remboursement de ces prêts n'a causé aucun problème car les modalités de remboursement tenait compte des périodes de vente et des revenus des théiculteurs. Mais après que l'usine de Rwegura a décidé de réduire les ventes de 3 fois par mois à 1 seule fois en raison de la pénurie de carburant de type mazout à cette usine, ces théiculteurs sont désemparés, constate son confrère. Interrogés par cet hebdomadaire socio-économique, les responsables de cette usine sont conscients que cette situation est problématique. Selon le Forum des organisations de producteurs agricoles du Burundi, il est important de voir comment ces deux parties peuvent trouver un compromis, souligne l'hebdomadaire Burundi Echo. Un dilemme entre le respect du calendrier culturel et la coupure des eaux d'irrigation du périmètre irrigué par la rivière Nyamagana, rapporte l'agence burundaise de presse. En effet, écrit l'ABP, pour cette année culturelle 2024-2025, la saison A devait commencer le 15 septembre 2024, mais a débuté tardivement dans l'audit périmètre pour diverses raisons. Pour la riziculture qui demande beaucoup d'eau d'irrigation, relève son confrère, la majorité des riziculteurs ont connu des retards de plantation 2 mois et plus, notamment à cause du retard des premières précipitations et la lenteur des travaux d'entretien des canaux qui ont duré le double du temps qui était prévu. Selon toujours l'ABP, pour le moment, on devrait couper l'eau pour l'entretien des ouvrages le 15 janvier, mais les riziculteurs se lamentent que c'est en cette période même que leurs champs ont besoin de plus d'eau pour arriver à maturité et donner un bon rendement. Des divergences sont ainsi nées entre les uns et les autres, fait remarquer ce quotidien, qui se demande si on va couper l'eau d'irrigation pour l'obligation du respect du calendrier culturel ou si on va attendre que les champs de riz sur plusieurs milliers de hectares arrivent à maturité. Contacté à ce propos par l'ABP, le Bureau provincial de l'agriculture, élevage et environnement a évité tout commentaire. Et c'est par là que nous bouclons cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.